la science CQFD, Natacha Triou. Cette petite glande est responsable de l'un des principaux cancers masculins en France, la prostate. Pourquoi l'incidence des cancers prostatiques augmente-t-elle ? Méconnu, ignoré, voire tabou, cet organe de la taille d'une châtaigne, chez l'homme de 30 ans, caché entre la vessie et le rectum, est à l'origine du troisième cancer le plus mortel en France, après celui du poumon et du cancer colorectal. Cette maladie concerne 8 à 9 000 décès par an et elle a la particularité sournoise d'échapper à la régulation immunitaire. Mais nos outils thérapeutiques et diagnostiques ont évolué ces 10 dernières années. Cancer de la prostate, un homme averti en vaut deux. François Desgrandchamps, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes professeur d'urologie à l'Université Paris-Cité, directeur de recherche au CEA, chef de service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis et l'auteur de La prostate. On en parle aux éditions Hachette et Livre de Poche en 2018. Nous sommes en ligne avec Olivier Cusneau, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes chirurgien urologue, oncologue et généticien, associé à l'Université d'Oxford et le co-auteur de l'ouvrage Dans la tourmente de la prostate aux éditions Favre en 2020. Merci à vous d'être avec nous en studio, en direct, et merci à vous d'être là en rendez-vous derrière votre poste ou podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi écouter cette émission tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. On publie chaque jour de nombreuses ressources pour compléter votre écoute, et c'est grâce à Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, et c'est sur @sciencesqfd sur X. Alors comment jauge-t-on la gravité d'un cancer de la prostate ? Comment se déroule le dépistage ? Et côté recherche fondamentale, quelles sont les voies qui permettraient d'améliorer les traitements ? Nous sommes ensemble tout au long de cette heure pour répondre à ces questions. Mais pour commencer, à quel point cette maladie est-elle répandue ? La question est posée en 1982, c'est notre archive du jour. Le cancer prostatique intéresse beaucoup d'hommes, malheureusement. Et on peut dire qu'un homme sur trois présente une maladie prostatique à partir de 60 ans, et que sur ce tiers, un autre tiers, c'est-à-dire un homme sur neuf en définitive, présente en fait un cancer prostatique. L'âge habituel de développement du cancer prostatique, c'est 70 ans, plutôt que 60, qui est la date élective de l'adénome prostatique, tumeur bénigne de la prostate. Alors, quels sont les symptômes qui vont alerter le patient et le conduire chez un médecin? Il y a des troubles typiques, qui sont les troubles mictionnels. Chacun sait que des fréquences mictionnelles anormales, surtout la nuit, des difficultés à émission de l'urine, des mictions impérieuses, sont le signe de lésions prostatiques. Le malade est encore plus alerté s'il émet une urine rouge, une hématurie. Mais c'est là un symptôme relativement rare. Dans d'autres cas, ce sont des symptômes tout à fait non typiques, et indépendant de la sphère urinaire, qui vont devoir faire penser à un cancer prostatique. Essentiellement des douleurs dans la sphère pelvienne, dans le périnée, dans la région du rectum, mais aussi dans la hanche, parfois même dans la région du rachis, surtout dans sa partie basse, le rachis lombaire. D'autres fois, des troubles neurologiques moins typiques, une faiblesse à la marche ou des troubles à sensibilité indiqueront un stade déjà très avancée de la maladie. Voilà, on entendait la voix de Jean Auvert, professeur à la faculté de médecine de Paris en 1982. François Desgrandchamps, on l'entendait dans cette archive, le cancer de la prostate concerne un homme sur trois à partir de 60 ans. On est en 82, aujourd'hui qu'en est-il ? Non, surtout ce qui est formidable, c'est qu'on est en 82 et qu'en 85, il y a une révolution en matière de cancer de la prostate, c'est la découverte d'un marqueur sanguin qui signale le cancer avant tous les signes que le professeur Auvert décrit. Donc on l'écoute avec tendresse, parce que c'est une autre façon de soigner. La durée de vie des connaissances médicales est de 5 ans seulement. Tout change tout le temps. Le PSA a été découvert par le FBI, et qui est un marqueur de scène de crime pour le sperme. Donc c'est sécrété dans le sperme. On le verra tout à l'heure, la fonction de la prostate, c'est de fabriquer le sperme. Et donc en voulant trouver un marqueur de sperme chez les gens qui sont vasectomisés, par exemple, où il n'y a plus de spermatozoïdes, les laborantins du FBI ont trouvé une substance que personne n'avait décrite auparavant, c'est le PSA. Et à partir de 1985, à ce moment-là, tout a été beaucoup plus simple et en même temps plus compliqué, en tout cas plus précoce. Et donc, c'est rare maintenant que les patients arrivent au diagnostic avec tous les symptômes que le professeur Rovert décrivait. On les voit beaucoup plus tôt et donc l'âge également est plus jeune, c'est plus 70 ans, mais on est autour plutôt de 62-63 ans. On reviendra également sur ce marqueur, le PSA, mais votre réaction à vous aussi, Olivier Cusneau, à l'écoute de cette archive de 1982. Mais c'est vrai que cette archive, elle est très intéressante et comme l'a souligné François, le dosage de l'antigène prostatique spécifique a complètement changé la donne. Puisqu'aujourd'hui, les signes avancés qui sont décrits par le professeur Rovert à l'époque, en effet, sont exceptionnels. On les retrouve dans moins de 10% des cancers de la prostate qui sont diagnostiqués aujourd'hui. L'ensemble des autres cancers sont diagnostiqués à partir des âges du PSA et finalement sans aucun symptôme, ou alors à partir de symptômes mais qui ne sont pas dus au cancer, qui sont dus à une autre pathologie fréquente avec l'âge, qui est l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate. Alors on va faire en effet les distinguos justement entre qu'est-ce que un cancer de la prostate agressif, un cancer de la prostate qui n'est pas problématique. Mais avant ça, avant de parler de cette maladie, déjà on peut peut-être présenter cette petite glande. À quoi ça sert une prostate? Où se trouve-t-elle? Comment fonctionne-t-elle? Alors la prostate ne sert qu'à la fabrication du sperme. C'est une glande qui est située sous la vessie, qui va se dilater juste avant l'orgasme et l'éjaculation. Et toutes les substances qui vont faire le sperme, c'est-à-dire les spermatozoïdes bien évidemment, le liquide des vésicules séminales qui est tout à côté, et le liquide prostatique, tout ça va se mélanger au sein de la prostate, qui après s'être dilatée, va se contracter de haut en bas et chasser le sperme à l'extérieur. Donc la prostate ne sert qu'à la reproduction. C'est tout, sauf que comme elle est placée sur le flux des urines, elle peut avoir, ces pathologies peuvent se traduire en problèmes urinaires ou en cancer, deux maladies qui sont liées à la prostate. Olivier Cusneau, pour prolonger ce portrait de cet organe sexuel indispensable. Je dirais juste, pour revenir, que c'est en effet un carrefour qui est en effet traversé par les voies urinaires pour vider la vessie, puisque c'est sous la vessie d'où les troubles urinaire que l'on peut avoir pour uriner lorsque la prostate grossit. Et puis, ce carrefour, il est également avec le croisement des voies qu'on appelle séminales, les canaux éjaculateurs qui la traversent pour amener, en effet, les composants du sperme au niveau de l'urètre, de ce canal qui est dans la prostate. Il faut aussi noter que, je dirais malheureusement pour le traitement, autour de la prostate, il y a des structures qui sont importantes sur le plan fonctionnel. Les sphincters qui contrôlent la vidange des urines, il y en a un au-dessus de la prostate et un juste en dessous, qui peuvent être bien sûr lésés dans les traitements. Et puis les nerfs de l'érection, les nerfs de l'érection qu'on appelle les nerfs caverneux, qui sont de part et d'autre de la prostate, collés contre la prostate, qui eux peuvent aussi être atteints lorsque l'on traite un cancer de la prostate. Ce qui va être important aussi pour la suite de l'émission, c'est de comprendre que la prostate n'a pas de fonction hormonale propre, mais elle est hormonodépendante. La prostate, c'est un organe qui connaît plusieurs phases de croissance au cours de la vie. Oui, la phase de la croissance de la prostate, c'est à partir de la puberté. Quand la testostérone se met sécrétée par les testicules, alors la prostate commence à grossir. Et puis, elle se stabilise autour de l'âge de 20 ans. Et puis, elle va recommencer à grossir sans qu'on sache vraiment pourquoi, chez tous les hommes, au moins 80% des hommes, vont voir la prostate renaître, si vous voulez, et grossir de nouveau, comme à l'état, pas embryonnaire, mais l'état de jeune adolescent. Et sans qu'on sache pourquoi, cette prostate va regrossir et aboutir à des prostates beaucoup plus volumineuses que ce que vous avez dit, ils sont beaucoup plus grosses qu'une châtaigne, et ces 80% des hommes de 80 ans ont une grosse prostate. Avoir une prostate normale à 80 ans est inhabituel. Et comme l'a dit Olivier, à partir du moment où la prostate grossit, le canal qui la traverse, qui emmène les urines, va être gêné, l'urine va mal passer, et les hommes vont avoir des symptômes urinaires. Et donc, on ne va traiter non pas les grosses prostates, puisque c'est une forme naturelle de vieillissement, mais on ne va traiter que les grosses prostates qui entraînent des symptômes urinaires. Et tout ça, c'est indépendant du cancer. Cette deuxième phase de croissance, cette renaissance, c'est à partir de quel âge? 40 ans? Oui, ça commence à 45 ans. Oui. Alors quand on parle de cancer de la prostate, François Desgranchons, il faut donc bien faire le distinguo donc entre deux maladies bien différentes. Oui, ça, je pense que Olivier va renchérir là-dessus, qui connaît très bien ce sujet. Dire qu'on a un cancer de la prostate ne veut rien dire, et ça explique beaucoup de surtraitement actuel. Et il faut vraiment souligner ça. Beaucoup d'hommes sont actuellement traités en France de cancer de la prostate alors qu'ils ne devraient pas l'être, qu'ils soient opérés, qu'ils soient irradiés, avec les séquelles dont Olivier a déjà commencé à parler, urinaires et sexuelles, et qui sont réelles. En fait, il y a deux types de, pour être simple, deux types de cancers de la prostate, un cancer qui sont de fréquence égale, un cancer qui est simplement une sorte de forme de vieillissement de la prostate, un peu comme les cheveux blanchissent ou tombent. Dans la prostate, il y a des petits foyers de cancer qui ne tueront jamais. Ils s'appellent cancer parce qu'au microscope, ça ressemble, mais ils n'ont pas l'histoire naturelle d'un cancer qui est inéluctable vers la mort si c'est pas traité. Et donc, ces petits foyers de cancer ne bougeront pas toute la vie du patient. Au contraire, des cancers peuvent être beaucoup plus agressifs. C'est ceux-là qu'il faut dépister, c'est ceux-là qu'il faut traiter. Et c'est, en fait, en n'oubliant jamais cette distinction entre ces deux formes de cancer, qu'il n'y a plus de malentendus sur le dépistage ou sur le traitement du cancer. Parce qu'il n'y a pas un cancer, mais deux cancers. Mais je pense que, j'espère en tout cas, qu'Olivier sera d'accord avec moi. Je vais vous passer la parole dans quelques instants, Olivier Cusson, mais quand même, vous venez de dire quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi on appelle ça cancer dans les deux cas? Pourquoi on n'appelle pas ça dysplasie, adénome? Ça devrait, c'est une question de sémantique et c'est beaucoup discuté et très régulièrement. Pour un médecin anatomopathologiste qui regarde les coupes histologiques, qui regarde les coupes au microscope, il voit beaucoup de cellules et quand il y a trop de cellules, c'est pas normal, c'est tumoral. Simplement, l'architecture de ce trop de cellules ressemble à de la prostate normale, donc c'est une forme de cancer pas grave. Et donc, par excès de langage, si on veut dire, ça s'appelle cancer, mais si ça s'appelait dysplasie, ça simplifierait beaucoup les choses. Un des arguments pour ne pas l'appeler dysplasie, qui est défendu par certains urologues dans le monde, c'est de dire, si on dit, monsieur, vous avez une dysplasie, finalement, le patient ne reviendra plus. Alors que si on lui dit, monsieur, vous avez un cancer, il n'est pas grave, mais on va vous surveiller, à ce moment-là, il va venir. Parce que, à côté de ces cancers que l'on surveille, au fur et à mesure du temps, peut survenir un cancer plus agressif. C'est 20% à peu près. Et ces 20%-là, peut-être qu'on les ratera. Donc, c'est un des arguments. Olivier Cusnou, justement, sur cette différence entre cancer de la prostate normale et cancer de la prostate agressif. Alors, c'est en effet un problème de sémantique, comme vous l'avez dit, puisque finalement, la définition du cancer telle qu'elle était jusqu'au 19e siècle, et encore maintenant, c'est une maladie qui prolifère et qui peut donner des métastases, c'est-à-dire qui peut disséminer dans le corps et être mortelle. Et puis, il y a eu, à partir du XIXe siècle, la découverte au microscope, en fait, des lésions microscopiques associées au cancer, donc, qui a fait parler de carcinome, donc des définitions qui sont pas tout à fait de cancer, qui sont des définitions anatomopathologiques, et qui, pour le cancer de la prostate, en effet, ne matchent pas forcément avec cette notion d'évolution vers des métastases. Et donc, aujourd'hui, on sait très bien que pour un cancer diagnostiqué au tout début de la maladie, comme on peut le diagnostiquer en fait avec un dépistage à l'aide du dosage du PSA, eh bien on a environ 70% des cancers qui ne vont pas progresser si on les regarde sur une période de plus de 20 ans et environ 30% qui ont un véritable risque évolutif avec ces métastases qui vont entraîner après le décès. Alors, il y a aujourd'hui des indicateurs, en fait, pour les différencier, en particulier à l'échelle moléculaire. Donc, c'est tout un ensemble de recherches où on a commencé à bien décrypter, en fait, cette différence entre ces marqueurs qu'on pouvait associer à des cancers qui n'évoluent pas et puis ceux qui vont évoluer avec un risque pathologique. Alors dans le monde, c'est la deuxième tumeur solide la plus fréquente. En France, cette maladie concerne donc tout de même entre 8 et 9 000 décès par an. Est-ce que cela sous-tend qu'il y a un problème de dépistage en France? Comment se déroule-t-il? Quelles sont les recommandations? Reste à l'écoute, on aborde ce point dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, avec François Desgrandchamps et Olivier Cusnou, nous parlons de prostate et plus précisément du cancer de la prostate. Nous venons de faire un petit point anatomique, nous venons de voir que le cancer de la prostate n'est pas une seule maladie, mais deux. L'une est bénigne, ne doit pas se traiter, l'autre est non bénigne et doit être traitée. François Desgrandchamps, quels sont les facteurs de risque ? Les facteurs de risque sont un peu héréditaires, et ça c'est le domaine d'Olivier Cusnou, vraiment depuis des années, c'était beaucoup de son travail. Et puis il y a des facteurs de risque qui sont un peu épigénétiques, c'est l'environnement, et avant tout la diététique, c'est une des raisons pour lesquelles l'incidence augmente. Alors bien sûr il y a l'âge aussi, l'incidence augmente parce que la population vieillit et la population mange mal. Et au cœur de tout ça, il y a un petit facteur héréditaire, c'est ça les facteurs principaux. L'âge, l'hérédité... Et ce que l'on mange. Olivier Cusnou reviendra sur ce qu'on mange, c'est intéressant. Olivier Cusnou, sur les antécédents familiaux et génétiques, justement. Alors oui, les antécédents familiaux, c'est une part qui représente environ 5% des cancers de prostate pour une transmission héréditaire telle qu'on la connaît, je dirais, une transmission donc, qui va être au sein de la famille avec des gènes majeurs. Un des gènes majeurs, c'est le gène BRCA2 qui aussi prédispose au cancer du sein héréditaire, au cancer de l'ovaire aussi. Mais il existe aussi d'autres gènes qui peuvent être transmis dans la famille qui, finalement, vont être plus spécifiques de la prostate, un autre gène qui s'appelle OXB13. Pour les identifier, en fait, on recherche auparavant des antécédents familiaux. S'il y a plus de 3 cas chez des apparentés du premier degré de cancer de prostate dans la famille, il faut bien sûr y penser. Ou s'il y a des associations avec d'autres cancers, en particulier les cancers du sein et de l'ovaire chez la femme. Il faut aussi penser à interroger le côté familial, hein, puisque les gènes de prédisposition spécifiques du cancer de la prostate, bien sûr, ne vont pas toucher les femmes, mais peuvent être transmises par les femmes aux enfants. Et si vous avez, par exemple, des grands-oncles du côté maternel qui ont eu des cancers de la prostate, il faut aussi en tenir compte dans ces facteurs de risque familiaux de ce cancer. Donc, parmi les facteurs de risque, en effet, pour résumer, on a donc en effet l'âge, la fréquence du cancer de la prostate augmente rapidement après 50 ans, les antécédents familiaux et génétiques. Il y a aussi, Olivier Cusneau, l'origine ethnogéographique, il me semble. La fréquence du cancer de la prostate varie également au sein de différentes populations. Voilà, donc en fait, c'est le deuxième aspect génétique qui est un petit peu plus complexe, qu'on appelle l'hérédité polygénique. En effet, il existe environ comme pour beaucoup de maladies, des variants génétiques qui donnent un petit risque ou une petite protection, en fait. De façon très, très schématique, il y en a à peu près une centaine qui sont reconnus, en fait, aujourd'hui pour le cancer de la prostate. Et c'est la combinaison héritée à la fois du père et de la mère, mais aussi de la population d'origine, d'où l'on vient, qui détermine cette combinaison et finalement ce risque un peu graduel. Et les populations qui ont une origine africaine, par exemple les Antilles, pour ce qui concerne la France, ont un sur-risque, puisque le risque par rapport à la population continentale en France est environ multiplié par 1,5, donc 1,5 fois plus de risque de développer un cancer de la prostate pour les populations d'origine africaine ou antillaise. Il faut donc y penser parce que le risque est plus important et puis l'âge de début de la maladie aussi est plus important lorsqu'il y a un facteur héréditaire, qu'il soit familial ou qu'il soit en effet ethnogéographique. François Desgranchois, tout à l'heure vous évoquiez une bonne diététique. Oui, au sens large, c'est l'environnement. Ça avait été montré il y a longtemps maintenant, en 1981, sur les populations qui émigraient d'Asie pour aller en baie de San Francisco, donc avec le même patrimoine génétique. Et on voyait l'incidence très faible du cancer de la prostate en Asie, augmenté dans les mêmes populations qui avaient émigré à la première génération et augmenté encore pour atteindre les gens de souche, si je puis dire, en baie de San Francisco, au bout de la deuxième génération. Et ce qui avait été modifié, c'est pas le patrimoine génétique, ils sont venus avec, ils l'ont gardé, mais c'est l'environnement et avant tout l'alimentation. Et en baie de San Francisco, c'était les graisses saturées d'origine animale. Et ça a été le début de toute une littérature et de beaucoup d'exercices scientifiques pour montrer que l'alimentation a une influence sur le développement du cancer de la prostate. Au sens plus large, Olivier rappelait les populations martiniquaines et guadeloupéennes qui sont affligées de beaucoup de cancers de la prostate, d'une part par leur gène, mais également par l'exposition au chlordécone qui a fait beaucoup parler de lui, désherbant utilisé longtemps et qui a des effets hormonaux et qui augmentait aussi le risque de cancer de la prostate. Donc, comme Olivier l'a dit, les gènes, c'est 5% d'hérédité transmise. Et puis après, c'est beaucoup l'environnement et le comportement. Mais pour autant, il ne faut pas culpabiliser les gens. On tombe malade, c'est jamais de sa faute. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait une double peine sur à la fois être malade et se sentir coupable de l'être devenu. C'est comme ça. Voilà. Olivier Cusneau, pour compléter justement sur les facteurs liés à l'environnement et notamment sur les pesticides, dits perturbateurs endocriniens. Alors, ce qu'il faut dire, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. C'est finalement le principal facteur de risque, c'est l'âge et les facteurs génétiques qui sont des facteurs, je dirais, causaux de l'apparition de foyers cancéreux dans la prostate. Et puis, puisqu'on retrouve les séries qu'on fait des autopsies, on va retrouver 50% de lésions microscopiques ou plus de cancer de la prostate chez les hommes à partir de 50 ans. Et par contre, les facteurs d'environnement, ils vont surtout permettre l'émergence de ces maladies qui peut-être n'auraient pas évolué. Donc c'est un facteur d'émergence de la maladie plus qu'un facteur causal de transformation des cellules cancéreuses. C'est elles qui vont un petit peu piloter la vitesse de croissance et d'émergence de cette maladie. Alors pour les perturbateurs endocriniens, c'est assez compliqué en fait quand on analyse ces données, ou comme l'a évoqué François pour la chlordécone, puisque ce sont des facteurs qui sont plutôt une activité anti-androgène, donc qui s'apparentent au traitement du cancer de la prostate. Et il y a tout un débat sur finalement l'explication de l'émergence de ces cancers sous les perturbateurs endocriniens qui ont cette activité anti-androgène, parce qu'ils interfèrent aussi avec le dosage du PSA en particulier. Et finalement, les attitudes finalement à prendre pour cela sont en prévention, plutôt d'avoir un dépistage sur ces populations qui vont être à risque, mais en adaptant aussi le seuil d'alerte du dosage du PSA à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. On a évoqué les Antilles, François Desgrandchamps. En France, il y a certaines régions aussi où l'on meurt plus de cancers de la prostate que d'autres, par exemple les Hauts-de-France. Oui, j'ai vu ces données récentes. C'est multifactoriel, bien évidemment. Il y a l'âge de la population, il y a également la couverture médicale. Et puis, il y a également, une adhésion ou pas au dépistage du cancer de la prostate. Parce que pour un médecin généraliste, c'est compliqué. Il y a des ordres contradictoires, c'est-à-dire que l'État dit qu'il ne faut pas dépister le cancer de la prostate. Les recommandations ne sont pas en ce sens. Hein. On va chercher un cancer si on a des petits signes ou si le patient le souhaite. Et puis les urologues disent, si, il faut le dépister parce que sinon on va le trouver trop tard. Qu'est-ce que fait le médecin traitant? Il veut à la fois protéger son patient parce qu'un dépistage peut permettre de découvrir ces cancers pas dangereux qui sont juste dus à l'âge, et le patient est comme après sur une sorte de tapis roulant, un engrenage terrible, et finira par être traité. Donc le médecin traitant peut dire très bien, moi je préfère pas faire le dosage de PSA, je préfère pas savoir, on verra si mon patient a des symptômes, il sera toujours temps. Et au contraire, les urologues disent, pour pouvoir bien guérir les gens, il faut les trouver tôt. Et donc c'est aussi une explication sans doute de culture médicale. Il y a la couverture médicale, on a dit, il y a l'âge, et puis il y a l'accès aux soins, bien évidemment, mais il y a aussi cet état de fait de pris entre deux feux. Le médecin traitant ne sait pas s'il doit ou pas dépister le cancer de la prostate, alors que le message est simple, il faut dépister le cancer de la prostate, mais ne traiter, et ça paraît une évidence pourtant, que les patients qui en ont besoin, c'est-à-dire que les patients chez lesquels on va découvrir un cancer dangereux. Mais justement, vous me permettez une... C'est assez clair, oui, c'est mais très c'est clair. Pas suivi. Et vous me permettez une très belle transition, justement, Olivier Cuneau, sur la question du diagnostic. On a évoqué, on évoque le marqueur sanguin, le PSA. Comment se pose le diagnostic d'un cancer de la prostate? Le diagnostic, il se pose, en effet, si on fait ce dosage avec un examen qui est habituel, qui est touché rectal, mais qui est plutôt aujourd'hui réservé, aux spécialistes pour bien pouvoir l'interpréter. Donc, en première ligne, avec le médecin généraliste, c'est le dosage de cet antigène prostatique spécifique dans le sang, avec un seuil qui est à interpréter en fonction des différents facteurs, puisqu'il n'est pas en effet vraiment spécifique du cancer, et spécifique des maladies prostatiques en général, ainsi que éventuellement d'autres facteurs comme des infections ou des inflammations de la prostate. Donc c'est un signe d'alerte, et derrière ce signe d'alerte, on va déclencher des explorations pour faire la part entre cancer et non-cancer, et depuis quelques années, en fait, l'avènement qui était important, c'est celui de l'imagerie et de ce qu'on appelle l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique de la prostate, qui apporte aujourd'hui de très bonnes indications pour différencier ce qui est cancer de ce qui est autre pathologie qui ont pu élever le taux du PSA dans le sang. Oui, François Desgranchons, le fait de pratiquer des IRM pour le diagnostic, ça c'est quelque chose d'assez récent. Avant, on faisait des biopsies prostatiques systématiques, c'était très invasif. Le message, c'est plus jamais faire de biopsie si on n'a pas une anomalie sur l'IRM. Encore faut-il que l'IRM soit bien interprété, et c'est compliqué. Et le nombre de deuxième avis qu'on peut donner, Olivier et moi, les gens viennent avec une IRM interprétée comme étant une anomalie, mais c'est un radiologue qui fait ce qu'il peut, mais il fait de l'IRM du genou, il fait de l'IRM du cerveau, puis il fait aussi l'IRM de la prostate. Donc dans le doute, quand il n'est pas sûr, il dit « attention, c'est suspect ». Et donc le patient va alors avoir une biopsie pour rien, trouver un cancer pas dangereux et aller dans cet engrenage. Donc en fait, ce que l'on peut espérer comme deuxième étape de l'IRM de la prostate, c'est l'aide pour les centres qui seraient pas spécialisés, et on peut pas être spécialisé en tout, des logiciels d'intelligence artificielle qui vont donner une aide pour l'interprétation de l'IRM. C'est en cours. Il y a déjà des sociétés qui développent de tels logiciels. Mais je crois que c'est par là qu'on va avoir un deuxième sursaut. L'IRM a été une grande révolution puisque, à la place de dire est-ce qu'il y a un risque ou pas de cancer, on disait à la fois est-ce qu'il y a un risque et là où il se trouve. Ça permettait de faire des biopsies ciblées dans l'anomalie. Mais l'IRM ne sait toujours pas dire si la cible est un fait d'un cancer dangereux ou d'un cancer pas dangereux. Et donc on peut espérer que les progrès de l'analyse d'image vont permettre de dire attention, il y a une cible, mais cette cible c'est un cancer pas dangereux, donc on fait rien, on fait pas de prélèvement, ou au contraire, on a trouvé un petit foyer suspect et donc il faut biopsier et traiter. Donc c'est l'importance d'un deuxième avis en IRM qui est pas toujours facile à obtenir. Justement, pour détecter le plus précocement possible toute anomalie, les médecins complètent les examens par des sondages en imagerie couplés à de l'IA. Alors comment les radiologues et les chercheurs en machine learning améliorent conjointement le diagnostic des patients pour découvrir? Et pour le reportage du jour, avec vous Céline Lauzen, nous sommes allés au service d'imagerie spécialisée et des urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour Céline. Bonjour Natacha. Oui, pour rejoindre le docteur Raphaël Renard-Pénard, radiologue et professeur imagerie uro-néphrologique, et Hervé Lingette, chercheur à INRIA, tous deux m'ont expliqué comment leur expertise mutualisée ouvre une voie dans l'amélioration du diagnostic précoce. Leurs travaux ne sont pas encore appliqués en clinique, mais cette approche combinée permet déjà, à partir d'une grande base de données d'images, d'identifier et de caractériser le profil des tumeurs, ou au contraire d'écarter une suspicion de cancer en cas d'infection ou d'adénome. Cette technique, en complément d'un examen et du dosage PSA, permettrait à la fois de gagner du temps, mais aussi d'orienter vers un traitement le plus personnalisé pour le patient. Là, c'est le service de radiologie. Vous avez ici la salle d'échographie. C'est la salle dans laquelle on fait les prélèvements biopsiques. Donc, il y a des plateformes de fusion d'images qui permettent de fusionner l'image IRM et l'image échographique, donc pour cibler précisément les prélèvements. Il faut préciser qu'on est dans les sous-sols de l'hôpital. Ah oui, parce des sous-sols. Pour des raisons... Toujours, souvent les services d'imagerie sont dans les sous-sols. On a en face donc, le scanner. Donc l'IRM, vous avez des cabines de patients, voilà. Bonjour. Donc, voilà, notre magnifique IRM. En plus, on a une toute nouvelle IRM depuis 15 jours. Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand on est dedans, voilà. Avec un tunnel qui est un peu long. Même de l'autre côté de la ville. Un petit peu de bruit. Et on a notre équipe de manipulateurs au grand complet. Les consoles d'acquisition, les consoles sur lesquelles on travaille qui sont ici. On a notre salle à distance où on a tous les radiologues parce qu'on a des juniors avec nous. L'IRM, c'est un examen, surtout l'IRM prostatique, c'est un examen qui est très complexe à interpréter, qui nécessite une expertise médicale, ce qui veut dire qu'il faut avoir fait beaucoup d'imagerie prostatique, il faut vraiment bien connaître la pathologie prostatique pour pouvoir faire un diagnostic précis. Et cette expertise, elle est finalement malheureusement pas assez disponible sur le territoire. On ne peut pas être expert de toutes les disciplines, voilà, de toutes les pathologies. Exactement. En fait, c'est la complexité de l'imagerie, c'est que l'imagerie est devenue tellement complexe, tellement fine, tellement ultra spécialisée organe par organe, que cette expertise, eh bien, elle est finalement peu disponible. Et donc, un des objectifs de l'intelligence artificielle, justement, c'est d'aider à apporter cette expertise à un radiologue qui ne l'aura pas, pour lui faciliter, pour lui permettre d'avoir un diagnostic qui sera quasiment équivalent à celui d'un super expert. Et donc, vous travaillez avec des experts de l'INRIA, avec des chercheurs qui sont spécialisés dans l'analyse d'images. Voilà, donc on a plusieurs projets de recherche en collaboration effectivement avec des chercheurs de l'INRIA et notamment avec une équipe qui est basée à Nice, à Sophie Antipolis. Donc, un de nos objectifs principaux, c'est de constituer une large base de données en France d'imagerie prostatique, annotée, étiquetée, avec des informations complètes, cliniques et histologiques, ce qui va nous permettre de développer des modèles extrêmement complexes et élaborés d'intelligence artificielle. Alors, Hervé de Lingette, c'est une équipe qui est super. C'est une équipe qui est finalement géographiquement un peu éclatée, mais qui se retrouve chaque semaine. Alors, on va appeler Hervé. 06. Oui, bonjour. En fait, je travaille avec donc l'équipe de Raphaël sur l'élaboration d'algorithmes pour l'aide à l'interprétation des images multiparamétriques IRM de la prostate. Dans les algorithmes, il faut savoir en fait comment on peut mesurer la performance de l'algorithme. Et pour ça, il faut se comparer avec la prédiction effectuée par le radiologue. Parce que un des enjeux de l'intelligence artificielle, c'est que les algorithmes, c'est qu'ils soient performants, non seulement à partir des données issues de l'hôpital sur lesquels on entraîne les données, mais aussi sur n'importe quel hôpital ou n'importe quel site de radiologie en ville. Justement, c'est en ça que c'est vraiment une interaction. À chaque moment, on travaille en binôme. C'est-à-dire qu'on a besoin de lui poser la bonne question, lui dire « mais voilà ce dont on a besoin ». Et lui, il nous dit « ben voilà les outils que j'ai, voilà comment on peut avancer ». Donc, c'est un aller-retour permanent pour pouvoir développer ces outils-là. Bon, je vais vous montrer les images. Alors, la grande majorité des patients que l'on voit dans le service sont des patients qui viennent dans le cadre d'une détection d'un cancer de prostate, ce qui veut dire qu'ils ont, par exemple, une augmentation d'un taux de PSA, ils ont des antécédents familiaux, et donc ils ont vu un clinicien, le plus souvent un urologue, qui, effectivement, après avoir fait donc la synthèse de la biologie, de l'examen clinique, des antécédents du patient, pense qu'il y a une suspicion clinique de cancer de prostate et nous adresse pour l'IRM. Et l'IRM, elle est là justement pour faire la part des choses et pouvoir répondre aux patients et aux cliniciens en disant bah, « Effectivement, vous avez une augmentation du taux de PSA. Il y a une image dans la prostate qui pourrait être compatible avec un cancer cliniquement significatif. Et donc, il faut aller plus loin. Il faut faire des prélèvements biopsiques. » Ces prélèvements biopsiques, on va vraiment les faire orienter grâce à l'IRM. On va faire des prélèvements qui seront très fins. L'objectif, c'est d'aller cibler préférentiellement la petite zone que l'on voit sur l'IRM pour pouvoir mieux détecter, mieux caractériser cette image. Et à l'inverse, de rassurer le patient et le clinicien. Vous avez effectivement une augmentation de votre taux de PSA, monsieur, mais ben, c'est juste dû à une augmentation de votre volume prostatique où il n'y a rien de significatif. Donc, petit adénome, mais pas, exactement. C'est pas synonyme d'un exactement. Cancer. Et l'IRM, c'est l'examen qui fait le tri entre justement des pathologies bénignes comme une augmentation du volume, comme de la prostatite, hein, des petites zones d'inflammation, ou versus une lésion significative. Donc là, dans l'examen, on a trois types de séquences. On a la séquence anatomique qui nous donne des informations sur le volume de la glande. On a la séquence de diffusion qui est une séquence un peu brouillée. On a l'impression d'image en noir et blanc, un peu floutée. On ne voit pas du tout de façon nette les contours de la glande, mais ce n'est pas l'objectif de cette séquence. Cette séquence, ce n'est pas nous donner des informations anatomiques, mais c'est vraiment de nous aider à trouver le cancer. Et par exemple, pour ce patient, on voit effectivement que sur une des parties de la glande, sur sa partie haute, qu'on appelle la base, la partie toute antérieure, il y a un petit point blanc qu'on voit ici, et vous voyez que le reste de la prostate d'ailleurs est quasiment noir. Ben, ce petit point blanc qui vous saute aux yeux, c'est un aspect typique de présentation d'un petit cancer de prostate, qui est ici localisé dans un endroit très particulier. Il est ce qu'on appelle sur la zone de transition, donc sur une partie très antérieure de la prostate, qui n'est pas accessible sur des biopsies dites standards. Et donc ce patient-là, s'il avait eu des biopsies de prostate non guidées par l'IRM, on n'aurait jamais trouvé son cancer. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Olivier Cusneau, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ou une réaction plus généralement sur comment améliorer le diagnostic précoce des cancers de la prostate ? Alors, je pense en effet que si on revient déjà sur le PSA, il y a une problématique d'organisation finalement en France. Le fait qu'il n'y ait pas de recommandation officielle fait que déjà le dosage du PSA, quand on regarde tel qu'il est prescrit en France, il y a plus de 4 millions de prescriptions de PSA en France chaque année, mais il est prescrit beaucoup trop tard. Le pic de prescription, il est autour de 68 ans, alors que si on voulait faire un dépistage efficace, il faudrait que la population masculine ait son premier dosage au moins à 50 ans, voire un petit peu avant, s'il y a des antécédents familiaux, par exemple. Et donc, ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est le manque d'organisation aussi, probablement aujourd'hui, sur l'imagerie, puisque le recours à l'IRM derrière un PSA normal, comme on l'a vu, l'interprétation est difficile. Pour le cancer du sein, il y a des centres référents pour interpréter la mammographie. Aujourd'hui, ça n'existe pas pour la prostate, alors que les images peuvent être aujourd'hui beaucoup plus facilement transmises. Alors, c'est vrai qu'on attend de l'intelligence artificielle, hein, aussi bien pour d'autres lectures d'images, comme l'interprétation de l'histologie aussi du cancer de la prostate, pour améliorer la pertinence de l'interprétation de la gravité du cancer. Donc ça, ce sont des voies de recherche et développement qui ne sont pas encore aujourd'hui complètement disponibles. Et c'était intéressant d'avoir dans le cas présenté par Raphaël, elle parlait d'une lésion dans la zone de transition. C'est en effet une zone où se développe l'hypertrophie bénigne de la prostate aussi, et qui est assez difficile à interpréter aujourd'hui aussi pour les radiologues, et qui n'est pas encore clair, en tout cas, pour les développements d'imagerie assistée par l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur cet aspect de standardisation et d'aide au diagnostic pour l'IRM et éventuellement pour la pathologie en aval. François Desgranges. Oui, alors, plusieurs réactions. C'est certain que l'accès à l'IRM est difficile parce qu'une IRM, c'est très cher. L'interprétation de l'IRM est difficile, ça a été souligné, il faut être expert, et que là, les algorithmes peuvent aider. Il y en a plusieurs qui se développent dans le monde, celui de Raphaël sera sans doute très bien. Mais en parallèle, il y a aussi une autre imagerie qui se développe, qui est la microéchographie, qui est moins chère et qui est en fait une sorte d'agrandissement de l'échographie et qui permet de bien voir aussi les tumeurs. Et puis, le point de développement très important, c'est la biopsie après. Parce que on nous a parlé de biopsie ciblée, il faut aller chercher la petite zone. Eh bien, se développent actuellement des biopsies qui ne sont plus par voie transrectale. Avant, il fallait passer une sonde d'échographie par l'anus et piquer à travers le rectum pour aller chercher la prostate. Et donc, on pouvait emmener des germes, provoquer des infections, parfois graves. Il y a plusieurs morts par biopsie cancer de la prostate en France. Et se développe avec l'avènement de la microécho et également de l'IRM, des biopsies ciblées par voie transpérinéale, c'est-à-dire que on va piquer non plus entre les bourses par l'anus, mais on va piquer entre les bourses et l'anus, à travers la peau, et on ne va plus rentrer dans l'intestin, donc il n'y a plus aucun risque d'infection, il n'y a même plus de nécessité d'antibiotiques. Donc les développements actuellement sont énormes, et ça va très très vite. Hein. L'IRM, l'IA, la biopsie ciblée, le transpérinéal, on ne fait que progresser en matière de diagnostic de cancer de la prostate. Voilà pour les progrès, mais Olivier Cusneau, vous êtes aussi président du conseil scientifique de l'Association nationale des malades du cancer de la prostate, une association qui défend le dépistage. À l'échelle de la santé publique, quel constat peut-on faire justement concernant le dépistage de ce cancer ? On vient un petit peu sur ce que je dis. En fait, ce qui est regretté, c'est qu'il n'y en ait pas de recommandations qui permettent une organisation, en particulier d'avoir une information qui permette aux hommes de savoir qu'il faut faire son dosage du PSA au moins à partir de 50 ans, ou plutôt s'il y a des antécédents familiaux, et savoir aussi qu'aujourd'hui, si on trouve en effet une lésion suspecte, même à l'IRM, lorsqu'on va faire la biopsie, il ne faudra pas forcément la traiter. On ne va pas voir derrière un traitement qui va être agressif. Beaucoup de ces tumeurs peuvent être simplement surveillées régulièrement, et une grande majorité, hein, plus de la moitié, peuvent être surveillés et il n'y aura jamais d'intervention pour ces lésions-là. Et par contre, évidemment, celles qui vont progresser, elles doivent être traitées et traitées précocement si on veut pouvoir guérir les patients. Donc, un des objectifs, c'est en effet de ne plus voir au diagnostic des maladies avancées qu'on ne pourra pas guérir, puisqu'il y a encore aujourd'hui 20 à 30% de cancers qui sont diagnostiqués trop tard, une maladie qui ne peut pas être traitée localement. Donc, qui va menacer la vie. Et puis, d'avoir derrière, pour les patients, la notion que, finalement, faire un dépistage tôt, ça permet pas forcément, si on trouve un cancer, d'avoir un traitement agressif ce ne sera que pour un petit nombre de cas. Mais il est évidemment important de connaître sa situation. Alors, comment jauge-t-on de la gravité d'un cancer de la prostate? Quel est le parcours thérapeutique? Tous les traitements dont on va parler dans quelques instants ne concernent que les cancers de la prostate agressifs. Restez avec nous, c'est Blue Monday. Car oui, c'est aujourd'hui le Blue Monday. Nous parlons, pour couronner le tout, de cancer prostatique. On en parle avec nos deux invités du jour. François Desgrandchamps, professeur d'urologie à l'Université Paris-Cité, directeur de recherche au CEA et chef de service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis. Et avec Olivier Cusneau, chirurgien urologue, oncologue et généticien associé à l'Université d'Oxford. On a vu que le cancer de la prostate reste longtemps asymptomatique, d'où l'importance de l'identifier avant qu'il ne se manifeste, avant donc un stade avancé de la maladie. Mais François Desgrandchamps, comment, une fois le diagnostic posé, pardon, comment jauge-t-on de la gravité d'un cancer de la prostate? Comment ça se distingue? C'est l'aspect au microscope. Pour être simple, hein, soit ça se rapproche de la prostate normale en architecture, et donc il y a un grade, et on dit que c'est grade 3, parce que 1 et 2, c'est plus des cancers. Alors, il y a une autre classification qui s'appelle les UP, mais pour pas mélanger les choses, c'est 3. Et puis, si au contraire, ça ressemble plus trop à de la prostate normale, c'est 4 ou c'est 5. Et on fait la somme des deux grades les plus représentés, parce que le cancer de la prostate est très hétérogène. C'est une toute petite glande, mais il peut y avoir des zones avec du 3, des zones avec du 4, des zones avec du 5. Et le médecin anapathe qui regarde les coupes au microscope dit, ben voilà, il y a beaucoup de 3 et un peu de 4. Donc, c'est 3 plus 4. On met toujours le chiffre qui est le plus représenté en premier. Et donc, ce que l'on dit, c'est que quand c'est 3 plus 3, donc c'est que du 3, un cancer, certes, trop de cellules, mais qui ressemble à la prostate normale, c'est une forme naturelle de vieillissement, pour être simple, de la prostate, on n'y touche pas. Si, au contraire, c'est 3 plus 4, alors il faut commencer un traitement, sauf, et c'est une petite marge, il y a très peu de 4, parce que c'est des petits artefacts de coupe. Mais globalement, les deux maladies, c'est soit c'est 3 plus 3, soit c'est pas 3 plus 3. Si c'est 3 plus 3, il n'y a rien à faire. Si c'est pas 3 plus 3, donc 3 plus 4, 3 plus 5, 4 plus 3. Enfin, bah. Dans ces cas-là, il faut traiter. Olivier Cusneau, pour compléter, comment, sur les moyens possibles pour différencier les cancers agressifs qui doivent être traités de ceux dont l'évolution est très lente et qui ne réduisent pas l'espérance de vie? Alors, il y a aujourd'hui des marqueurs qui ont été identifiés. On appelle ça des signatures moléculaires. Signatures moléculaires, on peut en fait doser finalement l'expression de gènes qui sont dans la prostate. Donc on parle de signature parce qu'en fait ça apprécie une augmentation ou une diminution d'environ une dizaine, un peu plus d'une dizaine de gènes selon les signatures que l'on utilise. Et on peut ainsi identifier dans les 3 plus 3 cités François des tumeurs qui ne vont finalement jamais évolué, où le risque d'évolution à 20 ans est inférieur à 1%. Et puis, bien sûr, un sous-groupe qui, lui, même dans les 3 plus 3, peut être potentiellement agressif. Il n'est pas très important, mais il représente quand même environ 10% de ces 3 plus 3, qui lui va avoir un risque finalement d'évolution vers des métastases à terme, évidemment sur une maladie qu'il faut absolument traiter avant que ces métastases n'apparaissent. Il y a quelque chose aussi que je trouvais intéressant en préparant cette émission, François Desgrandchamps. Cette étude parue en 2022 dans European Oncology Urology, une étude qui permet de mieux comprendre justement quels sont les cancers de la prostate qui vont progresser rapidement de façon agressive et ceux qui ne le feront pas. Et une partie de l'explication à ces différences d'évolution, ça se trouve dans 5 types de bactéries. Oh là oui, c'est formidable ça, formidable. C'est pas comme le papillomavirus. Sincèrement, moi j'étais bouleversé par ça. Associé au cancer du col du virus. Plus que ça, c'est un peu comme Helicobacter pylori et l'ulcère de l'estomac, c'est-à-dire que on croyait que c'était les acides qui faisaient l'ulcère, en fait c'est une bactérie. Et donc c'est pas encore complètement prouvé, mais le papier auquel vous faites allusion était quand même bien documenté. Et en fait les investigateurs ont mis en culture des morceaux de prostate et des urines de patients qui avaient des cancers de la prostate ou pas de cancer, des cancers agressifs ou des cancers non agressifs, et ont vu se développer des bactéries anaérobies, c'est-à-dire des bactéries qui ne supportent pas l'oxygène, qui sont très difficiles à cultiver, qui sont très lentes à cultiver, et l'ont vu se développer en PCR, en augmentant leur signature. Et se sont rendu compte qu'en fonction de la nature, cancer ou pas, et de l'agressivité du cancer, les germes n'étaient pas les mêmes. Et que c'était des germes qui, pour 2 sur 5 d'entre eux qui ont été découverts, n'étaient pas connus jusqu'à présent. Et donc, ça laisse une porte ouverte formidable sur est-ce que le cancer de la prostate peut, tout ou partie, avoir une origine bactérienne, ce qui battrait en brèche beaucoup, beaucoup de nos dogmes. Mais encore une fois, la demi-vie des connaissances en médecine, c'est 5 ans. Donc, il faut s'attendre à avoir des découvertes de cette nature. Pour l'instant, il ne s'agit pas de traiter un cancer de la prostate avec des antibiotiques, hein, bien évidemment. Mais c'est pour la conception, et peut-être c'est un cofacteur avec l'environnement, l'hérédité, etc., pour mieux comprendre le développement du cancer de la prostate. Et en tout cas, on voit que, en fonction de l'âge, le microbiome urinaire, puisque c'est ça dont il s'agit, change. Et dans ce microbiome, en fonction des bactéries qui sont présentes, on peut développer ou pas soit une grosse prostate, soit soit un cancer de la prostate agressif ou pas. Alors, par rapport cette étude est formidable. Oui, en effet, c'est des pistes de travail, tant sur le dépistage que pour prévenir le développement d'une maladie agressive. Maintenant, sur les traitements aujourd'hui, Olivier Cusneau, quel est le schéma classique de prise en charge pour un cancer métastatique de la prostate ? Alors, pour les cancers métastatiques de la prostate, le traitement de référence, et il date quand même des années 50, c'est de faire chuter le taux d'hormones masculines qui sont présentées par la testostérone chez l'homme. Pour faire chuter la testostérone, je dirais, autrefois, on faisait une intervention sur les testicules pour enlever la partie qui sécrète la testostérone, qui est au niveau des testicules. Aujourd'hui, on peut bloquer la commande de cette sécrétion qui vient du cerveau, de l'axe hypothalamo-hypophysaire, par des injections. Donc le but, c'est de faire chuter ce taux de testostérone à un taux qui doit être en dessous de 0,5 nanogrammes par millilitre dans le sang. Donc ça, c'est le traitement de référence. Mais pour ces traitements au stade de métastase, souvent il apparaît après un échappement, en fait, une résistance à cette castration, avec différents mécanismes pour échapper à cette castration, en particulier le récepteur qui est le récepteur aux hormones, on va dire la testostérone, en fait c'est la dithrosostérone qui est un métabolite, peut lui fonctionner de façon autonome après un certain temps sans avoir besoin finalement de cette testostérone. Donc toutes les nouvelles recherches ont été accentuées sur en fait cette résistance à la castration qui est la deuxième phase, qui est souvent la phase qui va conduire vers les cancers les plus mortels. François Desgrandchamps. Oui, pour entièrement d'accord, bien sûr, avec Olivier. Ça fait maintenant 5 ans que c'est à la disposition du grand public. Hein, c'est tous les nouveaux anti-androgènes qui, en fait, pour simplifier, comme l'a dit Olivier, la prostate dépend de la testostérone pour se développer. On supprime la testostérone. Qu'est-ce que fait le cancer ? Il sécrète lui-même sa testostérone. Et donc, les nouveaux anti-androgènes bloquent cette sécrétion. Et donc, permettent de rattraper des situations qui, sinon, échappaient. Et c'est tellement vrai que, dorénavant, on prescrit ces médicaments dès le début du traitement. et puis qu'il y a même des essais de traitement associés au rayon, même sans métastase. Et donc, on voit des patients qui sont sous traitement, auxquels on peut même arrêter ce traitement après plusieurs années où le PSA est à zéro. On va garder juste la suppression de la testostérone par des piqûres et on va arrêter ces deuxièmes médicaments. Donc, c'est une vraie révolution en matière de cancer de la prostate. Les survies sont prolongées, on peut même parler de guérison tellement les survies sont longues lorsque ces traitements sont mis en œuvre. Et c'est ça, c'est que dans les années 2015, donc ces nouvelles molécules anti-androgènes, cette hormonothérapie nouvelle génération, ça s'est toujours associé avec cette première phase de castration par piqûre, de castration pour bloquer chimique, la sécrétion de testostérone. Mais Olivier Cusneau, il me semble que depuis environ 5 ans aussi, on associe justement les traitements dès le départ, plutôt que de les proposer un en fonction de la survenue des résistances. Enfin, on essaie d'arrêter d'attendre l'échec du premier traitement pour passer au suivant. Voilà, donc ce qui est également nouveau depuis ces 5 dernières années, et qui vraiment a émergé, c'est la notion de traitement multimodal. Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a bien sûr la castration standard, l'adjonction des nouvelles molécules anti-androgènes, mais aussi, éventuellement pour les cancers qui sont les plus agressifs, on parle de haut volume métastatique, lorsqu'il y a beaucoup de métastases par exemple, d'emblée de la chimiothérapie. Et puis pour les cancers qui vont avoir peu de métastases, on va faire bien sûr les deux traitements, la castration, les anti-androgènes, mais on va souvent associer un traitement en plus de la prostate elle-même par radiothérapie. Donc ce qui change un petit peu, c'est ces différents axes de traitement qui sont aujourd'hui regroupés ensemble, avec finalement une trithérapie pour ces cancers métastatiques. Alors, quant à l'immunothérapie, on n'y est pas encore, mais il y a une piste intéressante et je voudrais absolument qu'on en parle avant qu'on arrive à la fin de cette émission. Il y a la chronique d'Alexandra Delbeau, François Desgrandchamps. C'est justement la piste de la radiothérapie interne vectorisée, une radiothérapie pointue qui a été mise en place justement au CHU de Nantes. Il y a plusieurs essais et depuis longtemps. Il faut un vecteur, c'est-à-dire en fait, il faut une substance qui reconnaît ses cellules prostatiques. Et donc, ce qui est à la mode, c'est le PMSA, qui est une petite substance exprimée à la surface des cellules cancéreuses prostatiques. Donc, il y a un anticorps anti-PMSA. Et puis, associé à cet anticorps, il y a un radionucléide, donc il y a une substance radioactive qui va détruire la cellule. Et donc, notamment, c'est l'uthénium. Et donc, il y a des essais qui sont faits, mais ce sont toujours de courtes séries. Et c'est pour l'instant lorsque les autres traitements ne fonctionnent pas. Ce traitement par radionucléide vectorisé a été utilisé depuis longtemps, mais de plus en plus fine en tout cas, mais on en est encore au balbutiement. Voilà, c'est une thérapie donc ciblée, comme vous dites, sur le PSMA. Oui. Côté recherche fondamentale, quelles sont les voies de recherche actuelles qui permettraient d'améliorer les traitements possibles? En matière d'immunothérapie, malheureusement, c'est pas un bon candidat le cancer de la prostate qu'un cancer plutôt froid par rapport au cancer de la vessie, cancer du rein, etc. Et donc c'est plutôt sur le côté hormonal et on voit se développer beaucoup de substances qui vont aller bloquer les récepteurs aux hormones. Et puis pour les cancers dont on parlait au début qui sont BRCA mutés, il y a des nouvelles molécules qui également peuvent être proposées aux patients. Voilà, et on peut penser justement que cette radiothérapie interne vectorisée, on peut imaginer raisonnablement qu'elle va être proposée plutôt dans la prise en charge des patients. Oui, certainement. C'est disponible dans beaucoup de centres. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On va retrouver Alexandra Delbeau et sa chronique Avec Science. Mais avant cela, j'invite nos auditeurs à se tourner vers vos ouvrages. La prostate, on en parle de vous, François Desgrandchamps, et de votre ouvrage, Olivier Cusneau, dans La tourmente de la prostate. Autre point dont nous n'avons pas du tout parlé pendant cette émission, la prostate comme organe de plaisir. Ah. C'est à écouter grâce à un épisode des Pieds sur Terre, le point P, à la recherche de l'orgasme prostatique. Oui. Voilà, c'est à podcaster sur l'appli Radio France. On écoute à présent Alexandra Delbeau, qui nous parle de plantes carnivores et de l'origine de leurs pièges à insectes. C'est la chronique Avec Science. Comment des plantes carnivores ont ingénieusement évolué pour piéger des insectes? Il va falloir reposer quelques bases de la théorie de l'évolution. Et si on parle encore de théorie, c'est justement parce qu'elle n'est pas figée. Elle est susceptible d'être précisée et améliorée au fur et à mesure de nouvelles observations comme celle-ci. Et de manière générale, ce qu'on sait, c'est que l'apparition d'un nouveau trait, d'une nouvelle caractéristique, peut se faire de manière abrupte, en un seul coup. C'est le cas surtout pour les caractères dits simples. Par exemple, la couleur bleue des yeux est apparue en une seule étape. étapes. Mais la nature est loin d'être simple et c'est ce qui fait sa beauté. Tout se complique quand les caractères deviennent complexes. On parle de caractères composites, c'est-à-dire qu'il faut plein d'éléments différents ensemble pour que ça marche. Toujours en prenant l'exemple de l'œil, pour avoir une bonne vision, nette de loin et de près et en couleur, il a fallu beaucoup d'étapes différentes. Et la théorie de Darwin veut plutôt que tout se fasse de manière successive, étape par étape. Ces caractères composites intriguent les scientifiques tant cette synergie paraît un petit peu extraordinaire. Et chez les Nepenthes, un genre de plante carnivore, l'origine évolutive d'un piège à insectes pose question parce qu'il est très sophistiqué. Guillaume Chomicki est professeur de biologie évolutive à l'université de Durham au Royaume-Uni. Ce mécanisme, en fait, c'est une sorte de piège qui consiste d'un tremplin qui propulse les insectes dans le pichet. Donc en gros, on a un pichet, on a un couvercle au-dessus, les insectes vont être sous le couvercle du pichet et la pluie va actionner ce tremplin et les insectes vont être propulsés. Et donc, ce mécanisme est activé par la pluie dans une forêt tropicale humide, donc il y a beaucoup de pluie, et les insectes sont attirés principalement des fourmis, donc sont attirés par du nectar qui est produit, qui est sécrété sous le couvercle du pichet. Mais pour que ça marche, il y a trois composantes essentielles. Il faut que le couvercle soit rigide et pivotant, ce qui va permettre un mouvement de ressort qui est essentiel pour la catapulte. Ensuite, il faut que le dessous du couvercle soit suffisamment adhérent pour que les insectes puissent marcher dessus, mais pas trop évidemment, pour qu'ils puissent se détacher facilement dès qu'une goutte de pluie intercepte le couvercle. Et ensuite, il faut que le couvercle soit orienté de manière plus ou moins horizontale pour que les insectes évidemment tombent dans le pichet et pas à l'extérieur. Cette catapulte à fourmis a d'abord été découverte en Indonésie et ensuite dans une autre espèce aux Seychelles. C'est donc un caractère composite apparu à deux endroits différents sur Terre, séparés par 4000 km et un océan. Et les pièges sont parfaitement identiques. Même angle du couvercle, même composition chimique sous le couvercle et même sensibilité du couvercle aux gouttes de pluie. Alors comment ce piège est-il apparu ? Dans cette nouvelle étude parue dans Science, ces scientifiques ont retracé l'évolution des trois composants. Et pour ce faire, ils se sont servis de la phylogénie de ce caractère, c'est-à-dire une sorte d'arbre généalogique conçu à partir de l'ADN des plantes carnivores pour comprendre comment 50 espèces de ce genre sont reliées entre elles, qu'elles disposent d'une catapulte fonctionnelle ou non. Et résultat, Darwin est battu, ce piège ne s'est pas formé par étapes successives, mais d'un coup, avec un mécanisme encore jamais mis en évidence jusqu'à présent. Guillaume Chomicki est aussi le premier auteur de l'étude. Chaque composante évolue indépendamment des autres, sans aucune corrélation avec les autres composantes. Donc, on a vraiment une évolution qui est totalement indépendante. Et ces composantes sont extrêmement variables chez les espèces qui n'ont pas le mécanisme de tremplin. Mais elle est indépendante des autres à une échelle assez extraordinaire, puisque c'est l'échelle même du pichet. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de chaque individu, on peut avoir cette variation. Chaque individu de plantes carnivores peut avoir des dizaines de pichets. Et on a déjà une très grande variation à ce niveau-là. Donc, ces données rejettent ce modèle classique darwinien et met en lumière ce qu'on a appelé le phénomène de coïncidence spontanée. C'est pas simplement le hasard, parce que bien entendu, on sait que le hasard est extrêmement important dans l'évolution de manière générale. C'est l'origine d'un caractère composite par des adaptations indépendantes qui sont hautement variables, qui s'opèrent par la chance. Et encore une fois, il est vraiment important de noter qu'ici, le niveau de variation, c'est la variation à l'intérieur de l'individu. C'est ce qu'on appelle la plasticité intra-individuelle. La coïncidence spontanée, c'est donc trouver la bonne combinaison, non pas en ayant d'abord un bon chiffre, puis un deuxième, puis un troisième, avec chaque chiffre conférant une fonction, mais en testant une infinité de combinaisons dans chaque pichet de chaque plante carnivore et en décrochant le gros lot, la catapulte. Et puis, après le gros lot, c'est la sélection naturelle. Ce nouveau mécanisme d'évolution existe très certainement déjà chez d'autres êtres vivants. Il va donc falloir aller vérifier si certains caractères composites n'ont pas, dans le passé, été mal attribués. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Céline Lozen, Tom Understock. À la réalisation, Olivier Pétard. À la technique aujourd'hui, Hugo Renard. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.